Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Abigail Hoffman et le combat pour la reconnaissance des femmes dans le sport. The plaque reads, among other things, only she who attempts the absurd can achieve the impossible. Sur la plaque à l'intérieur de ce pavillon, on peut lire ceci. Seule celle qui ose s'attaquer à l'absurde saura réussir l'impossible. Cette affirmation est un appel au changement et un appel à défier ces normes qui sont, pour certains, naturelles et acceptables, mais qui sont, pour d'autres, absurdes et carrément ridicules. But which to others seem absurd, if not downright ridiculous. In my case, absurd fit. Dans mon cas, le terme absurde s'impose puisque la seule règle que j'ai enfreinte à l'époque est celle qui interdisait à un groupe d'individus de faire quelque chose qui est pourtant banal et ordinaire. Courir dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre sur une piste de course intérieure, du simple fait que j'étais une femme. Il s'agissait pour moi d'une attaque grossière au concept le plus élémentaire de justice et d'équité. To me, this was an obvious offense to the most basic notions of fairness and equality. Abigail Hoffman, au moment où l'Université de Toronto lui remet un doctorat honorifique en 2015, l'extrait qu'on vient d'entendre résume à lui seul le combat qu'elle va mener toute sa vie, celui de permettre aux femmes de faire leur place dans le sport. Pour nous parler du parcours assez exceptionnel d'Abby Hoffman, je reçois Marie-Josée Turcotte, journaliste au service des sports de Radio-Canada. Marie-Josée qui a accepté de participer à cette série d'émissions spéciales d'Aujourd'hui l'Histoire où des collègues de la boîte viennent nous parler d'un sujet qui les passionne. Marie-Josée Turcotte, bonjour. Bonjour Jacques. C'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir et d'autant qu'on va parler effectivement d'un personnage passionnant, Abby Hoffman. Passionnant parce que c'est une grande athlète, mais au-delà de ça, s'intéresser, puis on en a déjà une petite idée avec ce qu'on vient d'entendre, s'intéresser à son parcours, Marie-Josée, c'est s'intéresser au combat que vont livrer les femmes pour faire leur place dans le sport. Absolument. Et je dirais même, Jacques, que c'est aussi son combat, ça a été celui de changer l'image du corps des femmes. Ça va aussi loin que ça, parce que longtemps, les mots, les qualificatifs « force »,« puissance »,« endurance », ce n'était que masculin. Ouais. Au point où on pensait que les femmes étaient incapables d'exploits qui demandaient donc « force »,« puissance » et « endurance ». On tolérait les femmes qui faisaient du patinage artistique, de la gymnastique artistique, parce que c'était gracieux, élégant. Et je ne vous parle pas du Moyen-Âge, là. Je vous parle des années 1950, 60, 70, les années pendant lesquelles, justement, Abigail Hoffman a été une athlète. Et c'était encore très, très mal vu qu'on veuille, à cette époque-là, donc, exprimer force, puissance et endurance. Et c'est ce qu'elle avait fait, elle, en choisissant une discipline qui n'était pas, justement, les disciplines traditionnellement, là où on voyait traditionnellement des femmes. C'était pas une patineuse artistique, là. C'était en athlétisme. C'est ça qu'elle a choisi, en fait. Elle avait choisi l'athlétisme. Avant ça, elle avait joué au hockey comme petite fille. Donc, à travers toute sa vie, Abigail Hoffman a fait en sorte que c'est ça, qu'on a changé l'image des femmes, on a changé la place des femmes. Elle a ouvert des portes à plusieurs d'entre elles. Et si bien qu'aujourd'hui, même les sports comme la gymnastique artistique ou le patinage artistique sont devenus beaucoup plus acrobatiques. Ouais. Et ce sont des sports qui demandent des qualités athlétiques tout à fait incroyables, qui sont difficiles. Et donc, des femmes comme Abigail Hoffman ont permis, à travers leur vie, à travers leurs actions, de changer ces choses-là. Dans le cas d'Abigail, c'est autant pendant sa carrière d'athlète qu'après sa carrière d'athlète. Et ça commence très jeune, ces combats qu'elle va mener, pas toujours, enfin, vous me direz si c'est toujours en les choisissant, mais en tout cas, très vite dans sa vie, elle va se buter à ces obstacles que l'on pose, que la société pose à la participation des femmes, des filles dans le sport. Et ça commence vraiment très, très, très jeune pour la jeune hockeyeuse qu'elle est à l'époque. Madame Hoffman, comment voyez-vous le fait qu'Abby joue dans une ligue réservée aux garçons? Tous les membres de la famille adorent le hockey. Et nous croyons que, particulièrement à cet âge, le hockey est tout aussi approprié pour une fille que pour un garçon. Monsieur Graham, en tant que président de cette ligue, qu'en pensez-vous? Je suis complètement étonné. Je ne croyais même pas que c'était possible de retrouver une petite fille parmi les 400 garçons de notre ligue. Je devais prendre une décision rapide et j'ai décidé qu'Abby pouvait continuer de jouer au sein de notre ligue, mais avec un seul privilège qui la différencie des autres. Elle a droit à un vestiaire privé. Quand as-tu commencé à jouer au hockey, Abby? J'ai appris à patiner vers l'âge de 3 ans À 5 ans, j'avais déjà les mains sur un bâton de hockey et maintenant, je fais partie d'une équipe. Quelles sont les autres activités que tu aimes faire? J'aime beaucoup jouer au baseball et depuis que j'ai 12 ou 13 ans, j'aime aussi jouer au basketball. You think other girls would like to play hockey? Penses-tu que les autres filles aimeraient aussi jouer au hockey? Les filles de certaines écoles privées jouent déjà au hockey. What do you want to do when you grow up? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? J'aimerais devenir professeur d'école. What do you think of all this fuss that's been created about you? Et que penses-tu de cette folie médiatique à propos de toi? I think it's a lot of nonsense. Je pense que c'est complètement insensé. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un reportage de nos collègues. Ça fait sourire, effectivement, Marie-Josée Turcotte. C'est un reportage de nos collègues du Réseau Anglais de Radio-Canada en 1956, au moment où on découvre que ce brillant jeune hockeyeur qui joue dans une ligue mineure de la région de Toronto n'est pas un garçon, mais une fille. Et ce joueur, c'est plutôt une joueuse. C'est Abby Hoffman. Racontez-nous cet épisode-là qui en dit beaucoup sur elle, sur son tempérament, sur sa détermination, sur l'époque aussi. Quelle époque! Donc, 1956, elle a 9 ans, donc elle est toute jeune. Elle se joint à l'équipe donc, de St. Catharines, les Teepees, et elle le dit elle-même. Donc, elle joue au hockey depuis qu'elle avait 3 ans. Elle a 2 grands frères qui jouent au hockey. Elle jouait avec eux, et pour elle, c'était comme un naturel. Mais elle a voulu jouer au hockey, et donc, oui, elle a beaucoup de cran parce qu'elle a 9 ans. Elle décide de se couper les cheveux, de changer son nom d'Abigail à Abby pour passer pour un garçon. On fait le camp d'entraînement et tout. Elle fait l'équipe toute étoile. C'est une des meilleures défenseuses de l'équipe. Et là, donc, elle doit montrer son extrait de naissance et on voit que c'est pas Abby, mais Abigail et c'est écrit fille. Donc là, on a un problème. Et on décide à ce moment-là de la laisser jouer, mais à la fin de la saison, on avait changé les règlements pour dire que cette ligue, elle était pour garçons seulement et que les filles n'étaient pas admises. Moi, j'admire avec du recul les parents. Oui. Parce que cette jeune fille, oui, elle a de la détermination, mais si elle n'a pas le soutien de ses parents quand elle dit « moi, je me coupe les cheveux, je me fais passer pour un garçon », elle n'ouvre pas les portes. Et ses parents l'ont soutenue. On a entendu sa mère qui dit « mais je ne comprends pas à cet âge, un garçon ou une fille, ça peut jouer au hockey, ils ont besoin de bouger ». Ses parents l'ont tellement soutenue qu'ils sont allés jusqu'en Cour suprême de l'Ontario pour voir est-ce que c'était correct de faire une chose comme celle-là. On est en 1956, la Cour a donné raison à la Ligue, donc c'était une Ligue pour garçons. Seulement. Et pourtant, si on remet ça dans son contexte historique, déjà à la fin du 19e siècle et dans les années 1930-1940, il y avait beaucoup de femmes qui jouaient au hockey. Oui. Il y avait même des équipes, il y avait des compétitions organisées et tout. D'ailleurs, il y a une de nos collègues, Linda Barry, qui en a écrit un très, très beau livre, si jamais ça vous intéresse, « Nos glorieuses, plus de 100 ans de hockey au féminin au Québec ». C'est vraiment intéressant. Il y a des superbes photos là-dedans. Et donc, quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée et que tous les hommes sont revenus, la Ligue nationale de hockey a repris sa place et est devenue de plus en plus populaire. Et à ce moment-là, vraiment, il y a eu un déclin. Ça recommençait à être mal vu pour une femme de jouer au hockey. Donc, ça a été, après ça, plus difficile. Donc, Abigail Hoffman, en 1956, en attirant l'attention, pas nécessairement sur elle, je crois pas que c'est ça qu'elle voulait, mais sur le fait que les filles aussi peuvent jouer au hockey, elle a ouvert une porte. Elle a ouvert, donc, un moyen de se battre. Puis on peut rapidement dire, ça a été très, très long pour le hockey, parce que la première fois qu'il y a eu du hockey pour les femmes aux Jeux olympiques, il faut remonter à 1998, à Nagano, au Japon. Et même encore aujourd'hui, aucune femme ne peut vivre de ça. Les ligues professionnelles sont inexistantes. elles se battent en ce moment. De toute façon, on pourrait faire une autre histoire sur tout ça, mais on n'est pas encore rendu là, quel que soit le sport, d'ailleurs, pour les ligues professionnelles. Il y a des chasses gardées, le soccer, le foot, c'est pareil. Oui, elles se battent pour l'équité salariale et tout. Donc, c'est encore difficile, c'est un long processus, mais donc, elle, déjà, 1956, elle ouvre une porte pour ça, pour cette lutte-là. Mais elle comprend, malgré tout, qu'elle aime faire du sport, que ça ne sera pas au hockey que ça va se passer parce que ce n'est pas possible. Même la Cour suprême de l'Ontario dit non, désolé. Non. donc, elle cherche un autre sport. Elle va faire un peu de natation, puis assez rapidement, elle va se tourner vers la course à pied. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'amène à s'intéresser à la course, Marie-Josée Turcotte? J'imagine qu'il y a cette facilité. On met une paire de chaussures, on part courir et on l'a entendu dans votre extrait du début. Là aussi, elle va faire face au sexisme. Et là aussi, elle va devoir se battre. Écoutez, en 1966... C'est quand même pas si loin que ça. En 1966, elle choisit d'aller étudier à l'Université de Toronto parce que l'Université de Toronto a cette réputation d'être une université libérale, ouverte. Et lorsqu'elle veut donc entrer dans ce qu'on appelle le Hart House, la piste d'athlétisme intérieur, pour aller courir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme elle dit, impossible. C'est pour hommes seulement. Donc là aussi, elle est victime donc de discrimination et de sexisme qui lui a fait dire cette belle phrase qui est inscrite maintenant au-dessus de l'entrée. Seulement celles qui vont tenter l'absurde seront peut-être possibles d'atteindre, seront capables d'atteindre l'impossible. Donc, ouais. J'imagine qu'il y a ça, ce choix-là. Il y a aussi le fait que c'est ça, c'est facile à pratiquer. Oui. Et j'imagine qu'il y avait cette attirance-là. Je posais la question à voix haute il y a quelques minutes. Est-ce qu'elle fait exprès, est-ce qu'elle choisit ses combats de se retrouver dans des situations, dans des disciplines où elle sait que ce sera difficile? Je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais toujours pas si c'est le cas, mais en tout cas, cette discipline qu'elle choisit, la course, le 800 mètres, il y a quand même... Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est réfléchi ou pas? Ce qu'on peut dire, en tout cas, Marie-Josée Turcotte, avec un peu de recul, c'est que c'est une discipline intéressante pour une femme qui veut encore faire éclater le plafond de verre. Parce qu'il y a toute une petite histoire derrière ce fameux 800 mètres. Histoire au sein même des Jeux olympiques. Oui, absolument. Alors, on peut dire que sa petite histoire rejoint la grande histoire. Mais j'ai juste envie de vous dire, Jacques, quel qu'aurait été son choix à cette époque-là? Ouais. Elle était une pionnière, peu importe où elle passait, parce que c'était encore c'était pas vraiment les débuts, mais on était encore dans des débuts de quelque chose. Oui, le 800 mètres, il faut que je raconte cette histoire-là, parce que le 800 mètres a été présenté pour la toute première fois aux Jeux olympiques. C'était en 1928 à Amsterdam. Donc, grande première, 800 mètres et tout. Il n'y a pas de télévision à l'époque. Alors, les journalistes qui sont sur place sont des hommes. Évidemment, il n'y a pas de femmes à ce moment-là, beaucoup. Et ils sont des hommes de leur époque. Ouais. Alors, on rapporte que ces femmes-là étaient épuisées. Parce que 800 mètres à Amsterdam est couru par des femmes aussi. Oui, pour la première fois, en 28. Et donc là, quand les rapports qui ont été faits dans les journaux après, c'était « Mon Dieu, ils n'ont pas d'affaires là, ils étaient tout épuisés, se sont effondrés à la ligne d'arrivée. » Et par la suite, il y avait des photos de tout ça. Et on s'est rendu compte que c'était même pas vrai. Ouais. Que oui, ils étaient fatigués, mais normalement, comme un homme l'est après un 800 mètres, parce que c'est une course immensément difficile. Pour ceux qui connaissent l'athlétisme, c'est deux tours de piste. Il faut être à fond pendant deux tours. Essayez ça. Ouais. C'est très, très, très difficile. Donc, 1928, on se dit « Bon, les femmes sont incapables de ça. » On enlève le 800 mètres. Et pour ça les va protéger prendre... d'elles-mêmes. Oui, pour les protéger d'elles-mêmes, bien sûr. Et ça va prendre 32 ans avant que ça revienne en 1960 à Rome. Et à ce moment-là, pourquoi on disait que les femmes ne pouvaient pas? C'est tout simplement... La médecine a toujours été la science derrière un peu ce discours-là en disant ben, « c'est pas bon pour les femmes, courir des longues distances, voyons donc, c'est pas possible. » Je peux même vous donner une anecdote d'Abigail Hoffman. On lui disait ben, « voyons donc, une femme courir... » C'était en 1000 à l'époque, 15 000 par semaine. Ouais. Là, elle répondait ben, « parfait, je vais en courir 60 alors. » Mais c'était ça. On disait « une femme n'a pas d'endurance, n'a pas de force, n'a pas de résistance. » Et en plus, ça c'était l'argument suprême, ça pourrait être très dangereux pour le système reproducteur des femmes. C'est complètement dément. Je vous ai gardé deux citations. Une de mes préférées du baron Pierre de Coubertin, qui a donc ramené les Jeux olympiques modernes en 1896, les premiers à Athènes. Ouais. Donc, en 1901, le baron déclare ceci. « Le rôle de la femme reste ce qu'il a toujours été. Et elle est avant tout la compagne de l'homme. » La future mère de famille et doit être élevée en vue de cet avenir immuable. Mmh. Et en plus, ce discours-là est tellement imprégné dans la société que même les femmes vont le répéter. Il y avait une journaliste, Rose Nicole, dans un magazine français, La Vie au grand air, en septembre 1918, ça vaut la peine que je vous cite ça. « Certes, il faut louer les jeunes femmes qui exercent la souplesse et la vigueur de leur corps, mais il faut les garder de l'excès disgracieux et inutile. Il serait dangereux de laisser éclore une pépinière d'Amazone enflammée d'un féminisme nouveau. Il serait à craindre que la femme athlète ne soit qu'athlète et oublie dans l'ardeur des compétitions sa réelle tâche humaine. Ouais. » La maternité. Donc, c'est resté longtemps, donc jusque dans les années 50, 60, même 70 encore, on entendait un peu ce discours-là dire « Les femmes ne peuvent pas faire ça, c'est trop difficile pour leur corps. » Et de fait, vous allez, d'une certaine manière, entendre des relents de ça à cette compétition qu'elle remporte. On va glisser dans la carrière d'athlète en athlétisme à la course d'Abby Hoffman. En 1966, elle remporte la médaille d'or aux 800 mètres aux Jeux du Commonwealth. Je vous laisse entendre la description, puis vous allez voir, c'est quand même, quand on est une femme encore, c'est vraiment méritant de remporter le 800 mètres. Finale du 880 verges chez les femmes. Deux tours de piste. Mademoiselle Pierce d'Angleterre, mais la Néo-Zélandaise la rejoint et la Canadienne Hoffman est troisième et c'est elle qui fait un effort pour rejoindre celle qui est en tête. Abigail Hoffman fait la lutte à la première qui est la Néo-Zélandaise, une fin enlevante. Abigail Hoffman avec un dernier effort passe devant la Néo-Zélandaise et gagne la médaille d'or. Suivi de Mme Farrock et ensuite une des trois Anglaises, Abigail Hoffman, dans une des plus épuisantes épreuves des Jeux, avec une fin de course électrisante, vient de remporter une très grande victoire contre ses solides concurrentes, qui étaient les trois Anglaises et la grande championne du 440 mètres, Julie Farrock. Je répète, la jeune fille qui s'était fait connaître comme gardien de but il y a 5 ou 6 ans, elle avait 13 ou 14 ans, qui est devenue ensuite une athlète de la course, eh bien, elle a fourni un effort épouvantable et la Néo-Zélandaise qui menait jusqu'aux dernières 50 verges, Mademoiselle Stevens, ne s'est pas écroulée, mais presque. Elle a brisé sa course tellement l'allure était vive. Et Mademoiselle Hoffman, on sentait qu'elle était épuisée elle aussi, a pu avec un dernier effort extrêmement courageux, terminé en tête avec une fin électrisante, je le répète. Abigail Hoffman, médaille d'or pour le Canada. René Lecavalier, au jeu du Commonwealth de Kingston en Jamaïque, où Abby Hoffman remporte donc la médaille d'or en 1966. Ça, c'est évidemment un point lumineux de sa carrière. Elle va remporter quelques médailles d'or aussi. Parlez-nous de ça, de cette carrière qu'elle aura comme coureuse. Mais d'abord, il faut que je revienne sur René Lecavalier, parce que René Lecavalier, c'était quelqu'un d'extraordinaire qui connaissait très, très bien tout ce qui était le sport et tout. Mais voyez, il était vraiment un homme de son Absolument. Époque. Je suis convaincue qu'il n'aurait jamais dit d'un homme aux 800 mètres, la course est aussi difficile, qu'il était épuisé à la fin. Ouais. Enfin, bref, c'était une autre époque. Oui, elle était une très, très grande athlète. Oui, donc, cette médaille aux Jeux du Commonwealth, médaille d'or, elle a remporté aussi 5 médailles en tout à des Jeux panaméricains, dont 2 médailles d'or. Donc, vraiment, elle a été une des meilleures au monde à son époque. C'est quand même pas rien. Elle a fait 4 fois les Jeux olympiques. Et ses premiers Jeux olympiques, elle court le 800 mètres en 1964. On est à Tokyo et donc 4 ans seulement après la réintégration de ce 800 mètres. Donc, on peut dire que par sa simple présence, elle fait partie de cette révolution qui va amener tranquillement vers autre chose. Ensuite, elle a fait les Jeux de 72 à Munich et ceux de... J'ai fait 68, j'ai sauté Mexico. 68 à Mexico et 72 à Munich qui sont vraiment ses meilleures années athlétiques. Dans les 2 cas, elle a fait la finale. Faire la finale des Jeux olympiques, ça veut dire qu'on est dans le top 8 mondial. Ouais. Donc, vraiment, elle faisait partie de l'élite mondiale. Et ses derniers Jeux, ben, ce seront ceux de Montréal, donc avec 1976, où elle n'avait pas fait la finale, mais où elle avait été porte-drapeau de l'équipe canadienne. Première femme à être porte-drapeau. Première femme de l'histoire pour l'équipe canadienne, ouais. Donc à porter le drapeau. Et je vais être personnelle quelques instants. J'étais dans le stade. Moi, je faisais de l'athlétisme à l'époque et mon père avait réussi à me trouver un billet pour cette cérémonie d'ouverture. Et je vais me rappeler toute ma vie de l'entrée de l'équipe canadienne. Il y avait, je ne sais pas combien de personnes dans le stade. C'était plus que 70 000, je pense, à ce moment-là. On avait vraiment rempli un stade au complet là, qui vibre avec l'entrée de ces gens-là. C'était, là, je vous en parle, j'ai des frissons. Sont partout. Alors, je ne peux même pas imaginer Abigail Hoffman avec le drapeau dans les mains, comment elle se sentait. Donc, Abigail, oui, elle n'a pas choisi nécessairement de faire le 800 mètres, mais pendant toute sa carrière, elle et d'autres femmes vont se battre justement pour qu'on ajoute ces distances, pour que les femmes puissent elles aussi courir les mêmes distances que les hommes. Et là, donc, le 800 mètres est revenu en 1960. Il a fallu attendre 1972 pour arriver aux 1500 mètres. 1984, ça, c'est une étape très, très, très importante. On ajoute le 3000 mètres et le marathon. Ça a été une bagarre tellement longue avant qu'on y arrive à accepter que les femmes aillent courir le 42,2 km. En 1988, à Séoul, on amène le 10 000 mètres pour la première fois. Et c'est en 1996, donc à Atlanta, qu'on amène le 5 000 mètres qui, lui, va remplacer le 3 000. Et là, depuis 1996, donc, autant les hommes que les femmes participent au même programme, courent sur les mêmes distances. Donc, ça a été une bagarre constante pour elle et bien d'autres femmes. Et si vous regardez ça, au niveau aussi de la participation des femmes aux Jeux olympiques, si on part de 1896, 0 % de femmes. Mm-hmm. Il a fallu attendre 1984 pour être à 23 % de participation. Ouais. Et si les Jeux avaient eu lieu à Tokyo en 2020, on attendait 49 % des athlètes qui auraient été des femmes. Donc, si ça se tient l'an prochain, on sera presque à l'égalité. Donc, quand on regarde ces chiffres-là, oui, Abigail Hoffman et les autres femmes de cette époque-là ont été des pionnières. Puis elles se sont vraiment battues, justement, pour que cette présence-là soit acceptée. Et elle, dans son cas, dans le cas d'Abigail Hoffman, ça va se poursuivre après sa carrière d'athlète. Ça se termine donc à peu près en 76 aux Jeux olympiques, sa carrière d'athlète. Oui. Mais elle va continuer ensuite dans les associations sportives nationales, internationales, à mener ce combat pour l'égalité exact. Des femmes. Toute sa vie, elle a mené ce combat. En 1981, elle devient la première femme élue sur le comité exécutif du Comité olympique canadien. Et elle devient aussi, la même année, la première femme directrice générale de Sport Canada. C'est un poste qu'elle va occuper pendant 10 ans, jusqu'en 1991. Sport Canada, c'est là que toutes les décisions se prennent. Ouais. Ça appartient à Patrimoine Canada, donc gouvernement canadien. C'est un poste de leadership qui décide autant du sport de participation que du sport d'élite. Donc, c'est sûr qu'elle a eu son mot à dire dans toutes les décisions qui ont été prises pour la suite. Elle est aussi devenue une des premières femmes, ça c'est en 1985, à être élue sur le conseil de la Fédération internationale d'athlétisme. Mais elle y siège toujours. Ouais. Donc, partout où elle est passée, son combat a été le même, c'est-à-dire de vouloir améliorer les installations sportives et de les rendre accessibles pour les femmes, d'essayer de mettre en place des programmes sportifs, essayer également qu'il y ait du mentorat pour mieux aider les femmes à se développer dans ce monde sportif-là, et toujours de tendre vers l'égalité. Donc vraiment, c'est par ses actions, par ce qu'elle a fait, par qui elle a été, donc qu'elle a pu vraiment amener une ouverture. Et ça a été long, hein? Toutes ces choses-là sont toujours longues. Hein? Marie-Josée Turcotte, c'était un bonheur de vous recevoir et j'étais content de découvrir, je ne la connaissais pas, Abby Hoffman, de découvrir cette femme par votre entremise. Mais j'étais contente de vous en parler parce que c'est vrai qu'elle est très peu connue pour tout ce qu'elle a fait et encore moins au Québec. Elle n'est vraiment pas connue ici chez nous. Marie-Josée Turcotte, journaliste au service des sports de Radio-Canada, merci. Jacques, merci bien. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc et Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.